la tête dans les nuages. Mais c'est quand je me surprends à la rappeler que je t'alors de mes pensées. Elle connaît, je l'ai croisée sans la regarder. Placée, mais je l'ai.